FrenchPod.com. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Quand j'étais petit ? Je rêvais de devenir astronaute. Vraiment ? Pourquoi ? J'étais passionné d'astronomie. Je crois que ça a commencé le jour où j'ai appris qu'Armstrong avait marché sur la Lune. Je n'avais que 7 ans, mais je me souviens que je m'étais dit « Comment il a fait ?» Je croyais qu'il n'était possible de se déplacer que sur Terre. J'étais stupéfait. Et je me suis alors rendu compte que je n'avais aucune connaissance de l'univers. Je connaissais le nom des différentes planètes, bien sûr. Et je savais qu'elles étaient très, très loin de nous. Mais c'est tout. Et donc, de ta frustration est née ta passion. C'est un peu ça. Je me suis mis à m'intéresser aux différents astres, aux différentes planètes, Mars, Vénus, Pluton, Jupiter, et me suis renseigné sur leurs conditions atmosphériques. J'étais vraiment avide de connaissances. Je voulais qu'on m'explique tout. Qu'est-ce qu'une année-lumière? Où se situe exactement le système solaire dans la Voie lactée? Combien l'univers compte-t-il de galaxies? Waouh! J'imagine que tu as dû lire des tas de livres sur l'astronomie. J'en ai lu des tonnes. Mes parents m'en offraient toujours à Noël ou à mon anniversaire. Et j'étais comblé. Ah, tes parents en ont eu de la chance. J'étais beaucoup plus difficile en matière de cadeaux, moi. Et maintenant, l'astronomie te passionne toujours autant? Ah, pour moi, l'astronomie, c'est loin d'être une passade. C'est la passion de toute une vie. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle « S'ils n'avaient pas inventé la lunette astronomique ». Et je n'arrête pas de me dire, c'est fou à quel point chaque invention a vraiment son poids dans l'histoire de la science. Et tu es au courant que l'année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO? Oui, quand j'ai su ça, je peux te dire que j'ai été transporté. Ça va être l'occasion pour tous de s'intéresser de plus près aux planètes, aux étoiles et à leurs différentes propriétés physiques et chimiques. Ouais, ça va surtout être l'occasion pour toi de pouvoir étaler tout ton savoir. Mais dis-moi, toi qui en sais tant sur le sujet, comment se fait-il que tu ne sois pas devenu astronaute? Eh bien, à vrai dire, je n'étais malheureusement pas très doué en maths et en physique. Et ça, ma passion n'a rien pu y faire.